Annalise. Ne me dis pas que tu pars encore. J'allais t'en parler, chérie. Je repars pour un voyage d'affaires. Je reviendrai le plus tôt possible. Je pense à toi partout où je me trouve.